지혜들듯이 보던 빛을 Je n'ai qu'un choix, tu es brisé le cœur Que c'était vas-y, vas-y par moi Franchement Même si je suis pas un bon donneur de leçons Tout simplement Ça passe, je la connais par cœur J'ai bien merdé, je suis le roi des menteurs Qu'as-tu encore fait cette fois, vas-y Que tu le prétends Tout de vous Que j'avoue Dis-lui que tu l'as dans les veines Et dis-lui à quel point tu l'aimes Dis-lui tout de vous Dis-lui que j'avoue Lui dis que je l'ai dans les veines Et lui dire à quel point je l'aime Si tu lui disais la vérité Penses-tu vraiment qu'elle pourrait te guider Mais tout dépend de ce que t'as fait Tout sera en dépend, qu'est-ce que t'as fait Si je lui disais la vérité Penses-tu vraiment qu'elle pourrait accepter Je l'ai trompé sans me protéger Dans quelques mois, un père je serai Même si je suis pas un bon donneur de leçons